Je n'entends plus ma ville, ne fréquente plus ses rues. Les personnages qui hantent mes livres ont disparu. Je suis chez moi, avec moi. Le confinement me ramène et m'isole dans ma classe. Celle qui a le loisir d'échapper au virus. Celle qui peut profiter du temps qu'on lui oblige à prendre. Celle qui, par altruisme ou par peur, peut lutter contre la propagation de la maladie. À parcourir le monde au travers de mon écran d'ordinateur, j'entends et vois ceux pour qui le moment est propice à la création. Ceci n'est pas mon cas. Cet enfermement me coupe de ma raison d'écrire, de l'essence même de ce qui m'intéresse dans la littérature, les autres. Écrire sans les autres est pour moi un non-sens. J'ai besoin d'échanges, j'ai besoin de vie, j'ai besoin de mes échappées nocturnes et de mes jours de soleil. Écrire isolé du monde pendant que la foule dehors s'affaire, écrire hors de la société, réfléchir en ermite à la valeur du temps, se demander ce que sera demain sans savoir ce que le monde dit aujourd'hui, ne pas se frotter à la réalité de l'injustice de ce virus. Très peu pour moi, c'est le seul choix qu'il me reste. J'aime Hugo, j'aime son projet de littérature, j'aime sa volonté de témoigner d'une époque, d'un sentiment ou d'une colère. Dans cette maison, je ne témoigne que de moi-même et des progrès de mon fils de 3 mois. Même ce texte, écrit devant une glace, jetant de temps en temps un œil à mon visage fatigué pendant que l'enfant dort à côté, ne vaut pas grand-chose. Il lui manque ce petit supplément d'âme, cette odeur, ce bruit du coin de la rue, cette phrase qui jamais ne sera prononcée au cœur de ces 4 murs. Je n'y peux rien. Mais ne me demandez plus d'écrire sur cette affaire. Elle ne m'intéresse pas. Je la subis et respecte les règles, mais n'écris pas, n'écris plus, plus pour ce moment. La dictature a peut-être déjà commencé. Jouer sur notre peur de mourir place ceux qui nous dirigent comme seuls maîtres du jeu. Je pense à mon trottoir sur la rue Capois. J'aimerais regarder en face si elles sont toujours là. Ont-elles, elles aussi, mis en place des règles de distanciation sociale? Il y a des professions plus risquées que d'autres. Chez moi, tout est calme. Les cris du nouveau venu viennent parfois me rappeler qu'il est difficile d'exister, mais à part ça, tout est flou. J'erre, ne fais rien. M'alimente de vidéos de très bas niveau intellectuel, le plus bas possible. Je dors, mange, me douche 2 fois par jour, ce qui déroge à mes habitudes. Nourris l'enfant, le regarde grandir, nouveauté. Voilà que dehors, tout se focalise sur notre santé alors que j'ai passé une partie de ma vie à vouloir oublier la mienne. Nous veillons chacun sur nos propres symptômes, prétextant ainsi pouvoir sauver les autres. Dans mon cas, ils surviennent plutôt la nuit et disparaissent au petit jour. Presque 5 semaines qu'ils persistent. À coup sûr, ils sont faux. Je me laisse aller. La petite chose qui m'accompagne rythme le temps de la journée. Je ne sais plus lui parler de demain, alors nous nous parlons d'aujourd'hui. Il sourit, rit même parfois. Mais un jour, nous sortirons. Nous sommes-nous préparés à la suite? Avons-nous engrangé les forces que la lutte à venir va nous demander? À en voir les pénuries de farine en Occident, j'en doute. Nous nous empâtons. Gros que nous serons, gras que nous stockons. Il nous faudrait pourtant nous entraîner à courir plus vite, frapper plus fort. Non pas pour vaincre le virus qui de fait s'étendra un jour, mais pour détruire les règles qu'il nous aura imposées pendant ce temps. Silencieusement, avec notre propre consentement. Ce confinement aurait pu servir à ça, construire une armée. Pour le moment, mon seul petit soldat ne semble guère m'écouter.